Hey, yo, yo, kid, I'm gonna hit you with some of that Goody Mob flavor, you know what I'm saying? Peace to the Goody Mob, y'all. Now, why you like me now? Une journée idéale serait sortir du milieu carcéral, recevoir des chèques au lieu des comptes. Des appels après 11h, pas trop de bonheur. Voir ma conquête d'hier, dormir sans peur. Avoir de la bouffe dans le réfrigérateur. De rester nu jusqu'à 1h. Manger des toasts et plus que du beurre. Sans avoir de colporteur, de témoin de Jéhovah, d'huissier, de policier qui viennent cogner à ma porte. Anyway, rien qui t'écœure. Juste l'appel bonheur. Gilles Villeneuve encore en vie pour voir Jacques faire sa vie. Jason, José, Anthony et Cliff revenir du paradis. Puis ouvrir la télé et voir Bruni Surin, médaillé d'or aux 100 mètres. La Coupe Stanley au Canadien. Puis recevoir une lettre enregistrée disant que mon permis de conduire n'est plus suspendu. Ma probation est terminée. Bon, mais ça pour moi, ça serait toute une belle journée. Ça sert à rien de faire le cœur, France cool ou bla. How you like me? Ça sert à rien de faire le cœur, France cool ou bla. How you like me? Une journée idéale aurait 72 heures. Tout le monde aurait des télés 30 pouces couleur. La dette du Québec serait payée, les taxes cancellées, la neige juste pour Noël. Toutes les filles seraient belles. Mon crew serait payé tous les jours, get laid. La police serait plus d'armes, l'adresse des juges serait publique. Tout serait plus calme, il y aurait moins de panique. Pas besoin de mettre d'alarme sur mon auto ni dans mon condo. Personne souhaite madame, toute la communauté vivrait dans le calme. Bob Marley ferait un show au stade olympique. Puis toutes les autos auraient des kits hydrauliques. Puis ceux qui le désirent, des dépanneurs, y aurait de l'hydroponique. Si Dos guérirait facilement, que la porte à dents, la cellulite n'existerait pas. Grossesse durerait un mois, les périodes n'existeraient pas, l'urgence t'attendrait pas, puis les racistes n'existeraient pas. Bon, mais ça, ça serait une belle journée. Ça sert à rien de faire le cœur, France cool ou bla. How you like me? Ça sert à rien de faire le cœur, France cool ou bla. How you like me? Ça sert à rien de faire le cœur, France cool ou bla. How you like me? Ça sert à rien de faire le cœur, France cool ou bla. Les familles monoparentales n'existeraient pas. Le permis de conduire serait à 14 ans. Pour aller à l'école, on ferait de l'argent. Dehors, il ferait beau tout le temps, comme en Afrique. L'esclavage noir aurait jamais existé. Malcolm X, Luther King, ce serait jamais fait tuer. La bombe d'Hiroshima serait pas tombée à pic. Le diable serait pas diabolique. Le voisin mettrait pas la musique trop forte. Il y aurait moins de lois de toutes sortes. Les gays comme les handicapés seraient respectés ou pas respectés pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. Moi, je serais moins gros, moins nono. Puis les faux rappeurs seraient mis KO. Le hip-hop serait vu d'en haut. Les quartiers chauds seraient au repos. Mais pour l'instant, j'suis encore en dedans. Sans dames, sans argent. J'attends, je rêve, je souhaite que tout le monde soit vrai. Que tout le monde soit net. Ça sert à rien de faire le cave en ce cool ou bla. How you like me? Ça sert à rien de faire le cave en ce cool ou bla. How you like me? Ça sert à rien de faire le cave, France cool ou bla. How you like me? Ça sert à rien de faire le cave, France cool ou bla. Biatch. Bouyaka. Une journée idéale, man. Casey Alamanopi en direct de 69.3 FM. J'aimerais dire merci aux dames qui m'ont supporté, épaulé, etc. Pendant mes temps difficiles, en vous dédiant la prochaine chanson. Je te dis que c'est votre nouveau mot pour du rap français, là. En tout cas, t'es vraiment bon, man. Chanson d'accueil, là, pis les filles, là, c'est. Ah, c'est Casey qui joue, mettez la radio, là, c'est ta gueule, là. Tu sais, c'était vraiment. En tout cas, t'es vraiment apprécié, là, au centre, là, c'est. Bon, ben, je te souhaite bonne chance, pis continue, man, pis monte plus haut, man. T'sais.